Les Chroniques du Crack, 12e du nom de ce samedi 6 décembre 2025, une émission présentée par Hector de Maris, chevalier de Notre-Dame par la grâce de Dieu. Sainte Marie, seule dans la nuit, j'allais vers l'infini, sans un bagage et sans argent. J'allais vers le néant, mais toi, alors que j'étais là, sur la route dans le froid, tu es venu vers moi. Toi, au détour d'un chemin, caché par des buissons, tu m'attendais pourtant. Moi, je n'étais rien de plus qu'un jeune homme perdu dans l'abîme du chagrin. Moi, ne sachant plus pourquoi, j'ai retrouvé la foi, je me suis prosterné devant toi, Sainte Marie, seule dans la nuit. Je suis là, je te prie, sans un bagage et sans argent, je viens vers toi maintenant. La prière, une bien belle chanson française en 1964, signée Jean-Noël Michelet, alias Jean-Pax Méfray, le chanteur d'Occident. Alors Jean-Pax a même remporté en 1965 le grand prix de l'émission télé Âge tendre et tête de bois avec cette chanson. Alors pourquoi alors se faisait-il appeler Jean-Noël Michelet? J'ai ma petite idée. Il s'agit peut-être d'un simple pseudonyme d'artiste, ça c'est vraisemblable. On peut supposer autre chose, bien plus vraisemblable. J'admire personnellement beaucoup cet artiste. En dépit des différences d'opinion, il est républicain, moi je ne le suis pas. Mais Jean-Pax aime la France, et il l'a prouvé. Après la trahison de De Gaulle qui abandonna l'Algérie, notre ancienne province, Jean-Pax va participer à l'occupation de la radio d'Alger pour faire entendre la voix des généraux putschistes. Il sera emprisonné par le pouvoir gaulliste avant d'être relaxé. Il va même avoir des sympathies pour l'OS, ce qui lui vaudra une nouvelle incarcération. Cela peut expliquer pourquoi cet homme d'honneur, ce Français debout, aurait choisi un pseudonyme pour hanter le monde de la chanson. Parce que la gauche régnante n'a pas pour habitude de laisser chanter ce qu'elle appelle un réac, un facho. Imaginez un chevalier à notre époque. Imaginez ce cavalier revêtu de sa cuirasse, galoper le long de nos routes, tandis qu'au-dessus de lui passe un gros avion civil. Bonjour ! Cheval, l'armure, etc. Si tout cela était accessoire, et si l'objet, le but de la chevalerie, et sa nature même, était à trouver ailleurs. Mon nom est Hector de Maris. Je suis chevalier de Notre-Dame. Bienvenue dans les Chroniques du Crack. Chronique du crâne. Frère Hector de Maris. Non, nobis domine, domine. chronique du crâne. Bienvenue dans ces chroniques du crack présentées par Hector de Maris le premier samedi du mois en l'honneur de Sainte Marie, Mère de Dieu, avec deux membres de l'Ordre de Notre-Dame, Alban Guillemot à l'illustration et Joseph au montage de cette émission. Les chroniques du crack, l'émission trimestrielle des Chevaliers de Notre-Dame pour la reconquête de notre civilisation. Eh bien, je suis heureux de vous retrouver au crépuscule de cette nouvelle année. Cette émission est la dernière de 2025. Je ne sais pas. Nous ne savons pas ce que 2026 nous réserve, sauf miracle, ce ne sera pas mieux. Mais si les choses empiraient, il est nécessaire, pour ceux et celles qui en ont perdu l'habitude, il est nécessaire de se cramponner à son chapelet quotidien. Notre-Dame est la mère des chrétiens catholiques. Elle ne les abandonnera pas. Il faut simplement recourir à elle comme un enfant à sa mère. Les chroniques du crack, au service de la Sainte Vierge, s'est lancée dans la reconquête. Reconquête pour la vérité, reconquête pour la beauté. Alors commençons par la beauté. Le temps d'une chanson baroque oubliée. L'artiste italien Angelo Branduardi, il a 75 ans cette année, il est violoniste, son répertoire est baroque, on ne l'entend plus et c'est dommage, bah c'est un peu normal aussi à 75 ans. En 1980, il perça en France avec deux tubes de toute beauté, souvenez-vous, c'était La Demoiselle et Va où le vent te mène. Face au public de Gênes, en Italie donc, il chantait Colli la prima mela, pas traduction littérale, parce que Colli la prima mela signifie attrape la première pomme. C'est une sale histoire pour nous, la première pomme de l'histoire. On sait où ça nous a mené, cette histoire de première pomme mangée au paradis terrestre. Bella che così fiera vai, non lo rimpiangerai. Colli la prima vela, colli la prima vela. Cogli la prima vela, bella che così fiera vai, non aspettare mai. Cogli la prima vela, cogli la prima vela, cogli la prima vela. Danzala la vita tua, al ritmo del tempo che va. Ridila la tua allegria, cogli la prima vela. Danzala la vita tua, al ritmo del tempo che va. Ridila la tua allegria, cogli la prima vela. Bella che così fiera vai, non lo rimpiangerai. Cogli la prima vela, cogli la prima vela, cogli la prima vela. Bella che così fiera vai, non ti pentire mai. Cogli la prima vela, cogli la prima vela, cogli la prima vela. Stringilo forte a te, l'amico che ti sorriderà. Chi se ne va, cogli la prima vela, stringilo forte a te, l'amico che ti sorriderà, e fortuna chi se ne va, cogli la prima vela. Colli la prima mela de Angelo Branduardi en 1975. C'est une splendeur baroque que cette chanson. On méconnaît actuellement Branduardi. On l'a oublié et c'est grand dommage. Les maisons de disques actuelles se fichent de la beauté. Ce qu'elles recherchent, c'est la popularité. Un chanteur possède 6 millions de vues sur YouTube et le voilà qui signe. Colli la prima mela, le cinquième album studio d'Angelo Branduardi, signé chez Polydor, et c'est de loin le meilleur de ses albums. Branduardi, qui est un artiste à part dans le monde de la variété, parce que son œuvre est matinée d'influences baroques et aussi médiévales. Écoutez par exemple un autre extrait de l'album, Il Signore di Beau, le seigneur des Beaux de Provence. les chroniques du Crack. Sui sassi, la casa sua il signore di Bo, l'ha costruita sui sassi, passi dipinte cavalieri segnano i suoi sentieri, veglian dall'alto della notte cieli i suoi pensieri, vecchia idea. La casa sua il signore di Bo, l'ha costruita sui sassi, gemo nel sonno i suoi cani sognando della caccia, siede a banchetto la sua dama, lo sguardo assorto, fuoco e calore nelle tue sale, danze, colori, allegria, canti e rumori, suoni di risa, nella tua casa signore di voi. Signore di Bo, Angelo Bandoardi, toujours en 1975. Bienvenue dans les Chroniques du Crack, votre émission de reconquête politique et culturelle. Je tiens à remercier nos amis de Civitas International, le mouvement de M. Alain Scada, qui se bat toujours contre le mondialisme. Je tiens à continuer d'en parler parce que le combat du mouvement d'Alain et le nôtre, celui des Chevaliers de Notre-Dame, vont dans le même sens. Redonner au Christ roi les institutions chrétiennes. Avec raison, Civitas International met en évidence sur son site une citation pontificale. Écoutez bien, de la forme donnée à la société, conforme ou non aux lois divines, cette société, dépend et découle le bien ou le salut des âmes. C'est une citation de Pie XII que je me fais un plaisir de vous redire. De la forme donnée à la société, conforme ou non aux lois divines, dépend et découle le bien ou le salut des âmes. Oui, on est loin de Léon XIV. Hein. C'est une citation du dernier pape catholique de l'Église. Il faut tout de même le signaler. Nous avons un pape actuellement qui a approuvé la dernière note doctrinale de son dicaster pour la foi conciliaire, hein, pas la foi catholique. Datant de quelques semaines, cette note doctrinale de son dicaster, donc, qui vient de supprimer un des titres glorieux de la Sainte Vierge. J'en parlerai tout à l'heure. Soutenez Civitas International, civitas-international.org. Parlons aussi d'une autre association qui marche dans les mêmes traces que Civitas International, Média Presse Info, qui est un webzine par Internet et qui soutient également l'Ordre des Chevaliers de Notre-Dame. MPI relaie régulièrement ses chroniques du crack et nous les en remercions. Média au pluriel, Média Presse Info par Internet. Média-presse.info, le filtre nécessaire à l'actualité. Parce que de nos jours, l'information vous est livrée sans filtre. Sans esprit critique, comme me le redisait papa quand j'étais enfant, et ça continuait à faire un bouillon d'inculture, une bouillie de cervelle, une soupe de cervelet. Ne vous étonnez pas du nombre grandissant de maladies d'Alzheimer, même si cette maladie peut aussi s'expliquer par d'autres facteurs. MPI est l'antidote. Sur son site, vous trouvez les onglets suivants, politique, international, société, culture, plus proche de vous, c'est-à-dire les événements culturels et politiques. L'info sans concession, média au pluriel, -presse.info. Vous préférez lire l'information en ayant le doux contact du papier? Eh bien, lisez Lecture Française, la revue nationaliste fondée par Henri Costant qui analyse et décrypte pour vous l'information politique et culturelle, politique française, géopolitique, études, entretiens, culture, agenda. Mais cette revue a également son site web, lecture au pluriel, lecture-française. Info. Merci donc à Civitas International, Média Presse Info, Lecture Française, parce qu'il y a le feu à la Maison France. Espérons que nous pourrons, pour l'éteindre, compter sur les troupes de la Légion pour défendre le peuple de France contre la folie de ses dirigeants. Le premier étranger, le plus ancien des régiments de la Légion étrangère, il était présent à Cameroun le 30 avril 1863, il y a 162 ans cette année, quand il a fallu défendre à 1 contre 100 une petite hacienda contre les troupes mexicaines. À Cameroun, pour l'honneur de la Légion, 62 légionnaires, exactement à Camarón de Tejada au Mexique, ont résisté jusqu'à la mort à 2000 soldats et cavaliers mexicains. Ils sont morts pour la France et pour Maximilien, empereur du Mexique. À Camarón de Tejada, comme à Aubagne, la défaite héroïque de la Légion étrangère, envoyée sur place par Napoléon III, est commémorée chaque 30 avril. Le premier étranger est stationné à Aubagne, donc la ville provençale de Marcel Pagnol. Alors après la chanson de Jean Pax Méfré, qu'on va retrouver une seconde fois, je vous passerai l'hymne du premier étranger, lequel garde précieusement la main en bois, la prothèse de l'héroïque capitaine d'Anjou. Si par hasard, sur ton livre d'histoire, tu tombes sur ce nom. Cameron. Garçon, regarde bien cette page d'histoire et n'oublie pas ce nom. Cameron. Le ciel de feu du Mexique jamais se souviendra de ce combat héroïque dans les murs de la hacienda. Dans ce décor gigantesque, la terre se désaltérait. Du sang qui courait dantesque sur la prairie qui brûlait à Cameroun. À Cameroun. Garçon, sur le chemin qui conduit à la gloire, tu dois trouver ce nom. Cameroun. Garçon, si ton destin exige une victoire, n'oublie jamais ce nom. Cameroun. l'honneur de la Légion. Sachant qu'ils allaient mourir, jusqu'au bout de leur mission, fiers de tomber pour l'Empire, ils étaient 62. Face à 2000 cavaliers, le soleil baissa les yeux lorsqu'ils furent exterminés. À Cameron, à Cameron, ce nom qui sonne qui résonne, ce nom qui tonne et qui t'étonne. Cameron, Cameron, Cameron, Cameron, Cameron, Cameron, Cameron, Cameron. Chronique du Crack. Chevalier Hector de Maris. Marchons gaiement en cadence, malgré le vent, malgré la pluie. Les meilleurs soldats de la France sont là devant vous, les voici. Nous sommes tous des volontaires, les gars du premier étranger. Notre devise est légendaire, honneur, fidélité, fidélité. Marchons légionnaires, dans la boue, dans le sable brûlant, marchons l'âme légère et le cœur vaillant. Marchons légionnaires, dans la boue, dans le sable brûlant, marchons l'âme légère et le cœur vaillant. Marchons légionnaires, partout où le combat fait rage, l'on voit le premier étranger. Exemple d'héroïsme, de courage, se couvrir de glorieux lauriers. Nous sommes tous des volontaires, des gars du premier étranger. Notre devise est légendaire, honneur, fidélité, fidélité. Marchons légionnaires, dans la boue, dans le sable brûlant, marchons l'âme légère et le cœur vaillant. Marchons légionnaires, dans la boue, dans le sable brûlant, marchons l'âme légère et le cœur vaillant. Marchons légionnaires, gardons dans le fond de nos âmes le souvenir de nos aînés. Et pour la grenade à ses flammes, loyal, prêt à tout sacrifier. Nous sommes tous des volontaires, les gars du premier étranger. Notre devise est légendaire, honneur, fidélité, fidélité. Marchons légionnaires, marchant légionnaire. Dans la boue, dans le sable brûlant, marchant l'âme légère et le cœur vaillant. Marchant légionnaire. Nous sommes tous des volontaires par le cœur du premier étranger, la Légion étrangère. Parfois, depuis 1945, dans l'histoire de notre pays, on s'est aperçu que la politique avait parfois un lien étroit avec la religion. Par exemple, le funeste Concile Vatican II a été en 1965 le triomphe de l'aile chrétienne progressiste, c'est-à-dire de l'aile gauchiste de l'Église. Le cardinal Swinens a rappelé, en s'en félicitant, que Vatican II c'était 1789 dans l'Église, la révolution socialiste quoi. Vatican II, convoqué par Jean XXIII, a sévi entre 1962 et 1965. Trois ans après, c'était en France, mai 68. Parce qu'en plus, on est le pays qu'on vote le plus en France. On est tout le temps en train de voter. Alors, bon, l'autre fois, c'était pour l'Europe. Bon, vous avez bien fait d'y aller, c'est pas pour nous, c'était pour partager du pognon, puis on en a plus, nous, alors c'est pas le problème. Bon, l'autre fois, c'était les cantonales, c'était pour élire les cantonniers. C'est pas méchant non plus, mais enfin, il y en a que ça intéresse. J'y suis pas allé, il n'y a pas d'herbe dans ma rue. Bon. Michel Colucci, un extrait de son sketch Les Hommes Politiques. La France a connu sept révolutions majeures. La Grande Révolution, 1789-1792, qui a mis fin à l'ordre ancien et chassé le roi, 1793 en aura été la conséquence. Le sacre de Napoléon Ier en 1804, qui couronne la Révolution. La Révolution aurélianiste de 1830, qui consacre la bourgeoisie. 1905, les lois anticléricales qui chasse les congrégations religieuses de la vie publique en France, la révolution gaulliste de 1945 qui met fin aux derniers restes de civilisation chrétienne et installe la maçonnerie au pouvoir, 1962-1965, le Concile Vatican II, mai 68. Les théologiens français les plus modernistes, Mgr Gaillot, à l'époque, hein, Mgr Gaillot, le dominicain Congard, le prêtre Jean Danielou, le jésuite Henri de Lubac, ont vu dans la révolution de mai 68 un prolongement des idées libertaires exprimées au Concile Vatican II. Et actuellement, Léon XIV continue ce funeste travail de sape. Mais son erreur la plus grave, pour l'instant, a peut-être été ce qui mérite de recevoir notre gifle d'or. La gifle d'or, patronnée par Notre-Dame de la Gifle. Alors, jusque dans les années 50, lorsqu'on attaquait l'Église, les évêques et le pape intervenaient. Maintenant, que faut-il faire lorsque c'est le pape et les évêques qui lancent les attaques contre notre sainte religion ? Si vous avez la chance de fréquenter un prieuré ou une abbaye traditionnaliste, vous l'avez appris par la bouche de vos prêtres. Le 4 novembre 2025, Léon XIV a approuvé la note doctrinale « Mater Populi Fideis » promulguée par le cardinal argentin Fernandez Victor Manuel, préfet du dicastère pour la doctrine de la foi, précisons la foi conciliaire. Par la voix du cardinal Fernandez, donc, le pape vient d'interdire aux fidèles d'affirmer que la très sainte Vierge Marie est co-rédemptrice et médiatrice auprès de Jésus-Christ. Déjà, examinons un peu qui est le cardinal qui dirige l'officine romaine chargée de la pureté de la doctrine de la foi. Le cardinal Fernandez Victor Manuel, surnommé Tuco, qui est l'auteur d'un livre rédigé en 1998, comme l'indiquent nos amis de Mediapresse Info, un livre aux accents pornographiques. La passion mystica espiritualidad y sensualidad. La passion mystique, spiritualité et sensualité. Ce qui aurait été impossible sous Saint Pie X a été rendu possible sous François, qui l'a nommé cardinal le 30 septembre 2023. Voyons maintenant cette nouvelle gifle assénée à la mère de Dieu. Le texte de la note du dicastère du 4 novembre dernier, Mater Populi Fideis, note doctrinale sur certains titres mariaux qui se réfèrent à la coopération de Marie à l'œuvre du salut. Compte tenu de la nécessité d'expliquer le rôle subordonné de Marie au Christ dans l'œuvre de la rédemption, il est toujours inapproprié d'utiliser le titre de co-rédemptrice et que ce titre engendrerait confusion et déséquilibre dans l'harmonie des vérités de foi chrétienne. La note insultante pour la Mère de Dieu continue en disant qu'il y aurait danger d'obscurcir le rôle exclusif de Jésus-Christ. Autrement dit, le texte, je répète, soucieux de ne pas obscurcir le rôle exclusif de Jésus-Christ, qui est le Rédempteur, ne veut pas décerner le titre de co-rédemptrice à sa mère. De qui se moque-t-on ? De qui se moque-t-on ? Depuis la fin des années 60, le Vatican fait la promotion des fausses religions qui, elles, obscurcissent bien le rôle exclusif de Jésus. On aurait aimé que Saint-Louis Marie Grignon de Montfort soit là, lui qui écrivait dans son admirable traité de la vraie dévotion en son point numéro 30, le signe le plus infaillible pour distinguer un hérétique, un homme de mauvaise doctrine, un réprouvé d'avec un prédestiné, c'est que l'hérétique et le réprouvé n'ont que du mépris ou de l'indifférence pour la très sainte Vierge, tâchant par leurs paroles et exemples d'en diminuer le culte et l'amour, ouvertement ou en cachette, quelquefois sous de beaux prétextes. C'est clair que Rome tente de diminuer le culte et l'amour pour Marie, ouvertement ou sous de beaux prétextes. C'est clair que Rome continue de satisfaire les exigences des protestants. L'application de la calamiteuse note doctrinale est celle-ci. Toute messe, je cite, « toute messe ou litanie, utilisant un titre non approuvé, doit être corrigée par l'évêque diocésain dans un délai de 12 mois. » Une seule année va donc suffire à précipiter dans le néant de la doctrine conciliaire, 2 millénaires de foi en Marie co-rédemptrice, proclamée par des théologiens tels que Saint-Louis Marie Grignon de Montfort, Saint-Bernard de Clairvaux, excusez du peu, Pie IX, le père Kolb, et donc Pie IX qui écrit dans Ineffabile Deus en 1854, « Parmi les privilèges dont Dieu a doté la Théotokos, c'est-à-dire la mère de Dieu, et que l'Église a progressivement et officiellement reconnu, il en est un qu'il nous tarde de voir proclamer, celui de la co-rédemption de Marie. » Alors cette nouvelle infamie romaine a, hélas, fait peu réagir le monde chrétien, mais il y a eu quelques réactions salutaires. La Fraternité Saint-Pédis, qui a condamné la note doctrinale par un communiqué, d'ailleurs le district de France de la Fraternité a ordonné que soient récitées des prières en réparation à la fin de chaque grand-messe du dimanche. Le prieur d'Antoma d'Aquin, du monastère bénédictin traditionnel de Santa Cruz, près de Rio de Janeiro au Brésil, a également vigoureusement réagi par un communiqué. Nos amis de Média Presse Info ont également réagi. Et nous avons, nous aussi, réagi, nous les Chevaliers de Notre-Dame, nous avons réagi le lendemain de la publication de la note doctrinale sur notre canal Telegram La Nouvelle Chevalerie. Nous avons également publié un nouveau communiqué, également aimablement relayé par MPI. Nous avons dit que ces titres, co-rédemptrice, médiatrice, avocate, ne sont pas des ornements poétiques ni des inventions de dévotion. Ils expriment une vérité théologique et spirituelle née au pied de la croix, là où la mère des douleurs s'est unie au sacrifice de son fils pour le salut du monde. Que les effacer ou les minimiser, c'est toucher au cœur même du mystère marial. C'est refuser de reconnaître la place unique de la Vierge dans l'histoire du salut. C'est appauvrir la foi des fidèles, c'est blesser l'amour filial des chrétiens envers leur mère. N'oublions pas la prophétie de Notre-Dame sur la montagne de la Salette le 19 septembre 1846, je cite « Rome perdra la foi et deviendra le siège de l'Antéchrist ». Ce sont les paroles de la Sainte Vierge. Enfin, le mois qui vient de s'achever a été un mois de pénitence pour les chevaliers de Notre-Dame, en plus des libres sacrifices qu'ils s'imposaient. Sur l'ordre du maître et du prévôt de l'ordre, les chevaliers ont jeûné chaque vendredi de novembre en ne prenant qu'un seul repas. À vous qui m'écoutez, je vous invite pour honorer l'Immaculée Conception, en esprit de réparation pour cette infamie, à réciter les litanies de la Sainte Vierge, la prière du Souvenez-vous de Saint Bernard, ainsi que le Salve Regina. Je répète, litanie de la Sainte Vierge, Souvenez-vous de Saint Bernard, Salve Regina. C'est simple, bon, ça ne dure que 5 à 7 minutes. Pourquoi ? Bah parce que l'offense est grave, s'en prendre à la mère de Dieu. Ensuite, cela fait craindre la colère de Dieu sur notre nation. De musique maintenant. Dans le monde vicié de la culture prétendument française et de la musique de variété spécialement, le chanteur Yves Dutheil a apporté un peu de fraîcheur à ces années 80. Je vous propose de le retrouver pour un succès de 1981, dans quelques minutes, après l'hommage de Michael Field à la France. Pour ce tube de 1984, To France, Michael Field avait choisi la très jolie voix de la chanteuse écossaise Maggie Reilly, qu'on entend aussi dans le tube Moonlight Shadow et Foreign Affair, deux autres chefs-d'œuvre de Michael Field. Queen of Chance, will they find you? Never going to. Révisez votre histoire, ouvrez vos cahiers. Page d'écriture. Louis XVII est mort à la prison du Temple en 1795, et c'est à l'âge de 10 ans. Point. Elle dit, c'est faux. Hein. Thomas Grandbouche. Qu'y a-t-il, Thomas Grandbouche? Il n'y a que Louis XVII, il n'est pas mort. À l'âge de 10 ans, je veux dire. Et pourquoi donc, je vous prie, c'est certifié par les médecins légistes qui ont examiné son corps? Mais c'est un cadavre de 15 ans qu'ils ont découvert, confirmé par le médecin Dezo, juste avant que le médecin Dezo ne se fasse empoisonner. Je vous dis que Louis XVII est mort au Temple en 1795 à l'âge de 10 ans, ne discutez pas. Alors expliquez-moi comment... Bon, ne cherchez pas à savoir comment, c'est comme ça, puisque ça s'est passé ainsi. Louis XVII est mort au Temple en 1795 à l'âge de 10 ans, point. Comme l'affirmait Brasillac, l'histoire est écrite par les vainqueurs. Révisez leur histoire. Page de réécriture. Les chroniques du Krak. Ça n'est pas ce qu'on fait qui compte, c'est l'histoire, la façon dont on le raconte pour se faire valoir. L'important dans la bataille, c'est l'histoire, qu'on découpe ou qu'on détaille selon l'auditoire. Face au sarrasin d'Espagne, en voyant son olifant, les soldats de Charlemagne disaient à Roland. Ça n'est pas ce qu'on fait qui compte, c'est notoire, ça n'est pas ce qu'on fait qui compte, c'est l'histoire. La glorieuse histoire de France est truffée d'assassinats, de massacres et de violences et autres coups d'État. Après tout, quand on y pense, Bonaparte et Attila ont plus de morts sur la conscience que Landru et Borgia. C'est quand même un peu étrange quand on repense au passé, on dirait que les temps changent et qu'à la vérité. Ça n'est pas ce qu'on fait qui compte, c'est l'histoire, la façon dont on le raconte pour se faire bien voir. L'important dans la bataille, c'est l'histoire, qu'on découpe ou qu'on détaille selon l'auditoire. On inverse un peu les rôles, on rajoute un petit morceau, ça rend les récits plus drôles et pour être un héros. À l'heure où l'on fait les comptes pour la gloire, ça n'est pas ce qu'on fait qui compte, c'est l'histoire. L'aventure est éphémère, mais si la vie n'a qu'un temps, le récit qu'on peut en faire dure indéfiniment. Et pour peu qu'on soit habile à savoir où va le vent, on peut être indélébile jusqu'à la fin des temps. Comme le nez de Cléopâtre, Dagobert, son pantalon, la poule au pot d'Henri IV ou le vase de Soissons. Ça n'est pas ce qu'on fait qui compte, c'est l'histoire, la façon dont on le raconte pour se faire bien voir. L'important dans la bataille, c'est l'histoire, qu'on découpe ou qu'on détaille selon l'auditoire. Dans les débats politiques, juste avant les élections, aux moments les plus critiques à la télévision. À l'heure où l'on fait les comptes, c'est notoire, ça n'est pas ce qu'on fait qui compte, c'est l'histoire. Lorsque par inadvertance, si on a vraiment besoin, dans des cas d'extrême urgence, on assomme un crétin. On n'a pas toujours la chance d'avoir des témoins pour soi, quand on est dans l'existence un peu maladroit. Dans les grands procès d'assises, on assiste quelquefois à de drôles de vocalises suivant l'avocat. Ça n'est pas ce qu'on fait qui compte, c'est l'histoire, la façon dont on le raconte pour le faire savoir. L'important dans la bataille, c'est l'histoire, qu'on découpe ou qu'on détaille selon l'auditoire. Combien de têtes victimes d'un bon mot du procureur, juste pour gagner l'estime de ses supérieurs. À l'heure où l'on fait les comptes pour la gloire, ça n'est pas ce qu'on fait qui compte, c'est notoire. Ça n'est pas ce qu'on fait qui compte, c'est l'histoire. Yves Duteil, dans les chroniques du Krak. Yves Duteil, 76 ans cette année. Bon, il faut quand même dire que notre histoire française, jusqu'à la Première Guerre mondiale non inclus, n'est pas qu'une suite de massacres. Mais ça reste une belle chanson que cette balade d'Yves Duteil en 1981. Ce n'est pas ce qu'on fait qui compte. Eux, sans de Nancy, et ce qu'ils font compte. Dans ce monde de laideur, la troupe des Alérions vous propose de la beauté et de la bonne humeur, comme dans les chansons d'Yves Duteil d'ailleurs. On est dans la France du 19e siècle, avec les élégantes, les élégants, les fiacres, les trains à vapeur. La troupe des Alérions est une troupe de théâtre amateur spécialisée dans le répertoire d'Eugène Labiche. Et pourquoi les Alérions ? Eh bien parce que l'Alérion est un aiglon héraldique contenu dans le blason de la Lorraine. Voilà. Et l'origine de ces armoiries remonterait à la première croisade lorsque les soldats de Godefroy de Bouillon eurent faim en traversant un désert. et c'est à ce moment-là que le puissant duc de Basse-Lorraine, Godefroy de Bouillon, vit un vol de 3 Alérians alignés dans le ciel, tua les oiseaux à coups de flèche. La troupe des Alérians, constituée d'étudiants lorrains, donc joue dans toute la France la pièce de boulevard Le Voyage de Monsieur Perrichon. Une quinzaine d'acteurs, un pianiste pour accompagner les parties musicales et plus de 30 costumes. L'histoire se déroule dans 4 endroits bien distincts, allant de la gare au jardin en passant par un chalet en Suisse. Renseignez-vous et lorsqu'ils passeront dans votre ville, courez-y. Le Voyage de Monsieur Perrichon par la troupe lorraine, les Alérians. Klang die Welt nach Peking 55 Tage lang. Die Flammen loderten zum Himmel, der Tod zog voran seinen Gang. Er zog durch Peking 55 Tage lang. Der Aufstand dunkler Mächte, die der Hass geboren hat, zog im Feuerschein der Nächte durch die große leere Stadt. Und es ward der Trommel dröhnen, und es ward der Hörner Klang, zum Lied von Peking, 55 Tage lang. Es waren 11 Nationen, die fest und ohne Rang zusammen standen 55 Tage lang. Im Winter wehten ihre Fahnen ohne falschen Stolz und Überschwang. Ihr Stolz gieß Trotzen 55 Tage lang. Und so wie sie das Schicksal in Gefahr und Not verband, widerstanden sie dem Feinde, jeder für sein Vaterland. Und sie kämpften und sie trotzten einer großen Übermacht. Und sie kämpften und siegten und gewannen diese Schlacht. Und es ward der Trommel dröhnen und es ward der Hörner Klang zum Lied von Peking 55 Tage lang. Pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, zum Lied von Peking 55 Tage lang. Cinq jours à Pékin, servi par la musique inoubliable de Dimitri Tiomkin d'un grand film de Nicolas Ray avec Charlton Heston, la belle Ava Gardner et le raffiné David Niven. C'est l'histoire de la guerre des bourgs au cinéma hollywoodien. Une autre guerre maintenant, la guerre de sécession américaine en quelques traits rapides, hein, rassurez-vous. Nous célébrons en 2025 le 160e anniversaire de la fin de ce conflit sanglant qui dura de 1861 à 1865 et qui se déclencha pour empêcher les États confédérés du Sud de quitter l'Union. Ça se déclencha sur ordre de Lincoln pour empêcher les États confédérés du Sud de quitter l'Union. Je regardais dernièrement un sujet sur un média à la mode parlant de la guerre de sécession avec le politiquement correct d'usage et il disait que la guerre de sécession avait débuté par l'attaque des sudistes contre Fort Sumter en 1861. Moi je veux bien, mais c'est quand même Lincoln qui a déclaré la guerre. Bon, en ce qui concerne la guerre de sécession, l'esclavage n'avait pas été le motif, comme on le croit, le motif supérieur et premier ordonnant la guerre et l'invasion. La vraie raison en a été la lutte contre la sécession, empêcher puis punir les États qui quittaient l'Union. La vraie raison était économique. En simplifiant à gros traits de crayon et même au stylo boss fluorescent, moins d'États signifiait pour Washington DC moins de rentrées d'impôts. Et cela justifiait pour eux la guerre. Une guerre totalitaire qui préfigura la Première Guerre mondiale. Bombardement à outrance des villes, perfectionnement des armes de destruction, guerre maritime, etc. Et qui fit 650 000 morts des deux côtés. Rendez-vous compte. Le seul état du Texas est supérieur à la superficie de la France. Notre hexagone fait 543 000 km². Le Texas représente 696 000 km². Eh bien, le nombre des morts à la fin de la guerre de sécession en 1865 est estimé à 650 000 alors que la population du seul Texas en 1860 était de 600 000. La Caroline du Sud est le premier État sécessionniste en 1860. La constitution de ce premier État sudiste abolit la pratique de l'esclavage. L'armée nordiste va incendier de grandes et belles villes comme Columbia. Autrement dit, les colonnes infernales de Sherman, qui envahissent la Caroline du Sud en 1865, dévastent tout un État qui avait mis fin à l'esclavage. Le 17 février 1865, le général nordiste Sherman avait détruit la ville de Columbia en Caroline du Sud par le feu. Ces grands antiracistes nordistes comme Sherman, Custer, Grant et même Buffalo Bill est aussi de grands tueurs d'Indiens, entre parenthèses. Le 3 avril, les soldats en bleu pillaient la ville de Richmond en Virginie et 5 jours plus tard, le général Lee signait la reddition des armées du Sud. Mais les derniers sudistes à se rendre, les guerriers indiens du général Cherokee Standuati, le firent le 23 juin 1865. Les armées confédérées étaient aussi commandées par des officiers français. Il faut citer le général Pierre-Gustave Toutant de Beauregard, qui était un créole de Louisiane d'ascendance française et vendéenne, Girardet, Camille de Polignac, Laniel, Paul-Octave Hébert, Blanchard, Louis Hébert, Debré, Buisson, Jean-Jacques Alfred Mouton. Alors pour bien parler de la guerre de sécession, il faut bien l'étudier, je vous recommande surtout deux livres de mon ami Alain Sanders, La désinformation autour de la guerre de sécession et La désinformation autour d'Abraham Lincoln. Sans négliger le livre de mon autre ami, le lieutenant-colonel Éric Vieux de Morsodec, un descendant français du général sudiste de Beauregard, héros oubliés, les généraux français de l'armée confédérée. Alors pour évoquer en musique la contribution héroïque des galants cavaliers du Sud à la guerre de sécession, j'ai choisi de vous passer un hymne célèbre, The Southern Soldier, chanson folk sudiste qui raconte le point de vue d'un soldat confédéré sur cette terrible guerre d'invasion nordiste. La chanson était largement diffusée parmi les soldats en uniforme gris comme champ de marche quand il fallait se battre contre les envahisseurs en bleu. Ce sont des groupes de reconstitution historique qui font maintenant survivre ce chant dans les mémoires. Des groupes de musiciens comme The Sons of Confederate Veterans ou comme le Sigan South Carolina's Trying Band qu'on s'écoute tout de suite. Restez avec moi, nous allons parler du nationalisme français dans quelques minutes. On my back, my rifle on my shoulder, I'll march away to the firing line, kill that Yankee soldier, I'll kill that Yankee soldier, I'll march away to the firing line and kill that Yankee soldier. My wife and child, farewell to my aged mother, I'll go and join in the bloody strife, till this cruel war is over, till this cruel war is over, I'll go and join in the bloody strife, till this cruel war is over. If I am shot on the battlefield, then I should not recover. Oh, who will protect my wife and child, who'll care for my aged mother? Who'll care for my aged mother? Oh, who will protect my wife and child and care for my aged mother? Our southern cause is lost and southern rights denied us, we'll be ground beneath the tyrant's heels for our demands of justice, for our demands of justice, we'll be ground beneath the tyrant's heels for our demands of justice. South shall bow her head before the tyrants harm us. I'll give my all to the Southern cause and die in the Southern army. I'll die in the Southern army. I'll give my all to the Southern cause and I'll die in the Southern army. If I must die for my homeland land, my spirit will not falter. Here's my heart and here's my hand upon my country's altar. Upon my country's altar. Here's my heart and here's my hand upon my country's altar. Us in the strife, be with the Southern soldier. We'll drive the mercenary horde beyond our Southern border. Beyond our Southern border, we'll drive that mercenary horde beyond our Southern border. Alles klar, alles bleibt wie's war. Ist doch wahr, so wie's war, was doch wunderbar. Und zwar fand man Zeit und Gelegenheit für die Gemütlichkeit. Alles klar, alles klar, alles bleibt wie's war. Ist doch wahr, so wie's war, was doch wunderbar. Besser wird's nie mehr als bisher. Fällt uns auch diese Einsicht schwer. Aber wird's uns heute so leicht gemacht. Doch wir wollen noch mehr, das wär doch gelacht. Wir leben und streben, als ging unser Dasein niemals vorbei. Nein, leider, ja leider. Es kommt wie es muss, ein Schluss und dann ist vorbei. Alles klar, alles klar, alles bleibt wie's war. Ist doch wahr, so wie's war, war's doch wunderbar. Und man fand noch Zeit und Gelegenheit für die Gemütlichkeit. Alles klar, alles klar, alles bleibt wie's war. Ist doch wahr, so wie's war, war's doch wunderbar. Besser wird's nie mehr als bisher. Fällt uns auch diese Einsicht schwer. Die Oma, der Opa, die kannten keinen Stress. Für sie war Geschwindigkeit ne Kutsche mit PS. Die Leute von heute, die rasen um die Welt. Und jeder will schneller sein, denn jeder denkt nur Zeit ist Geld. Vollgas und linke Spur, es führt kein Weg zurück. Der Mensch dreht sich mit der Uhr, doch so überholt er sein Glück. die Oma, der Opa, die flogen selten aus. Für sie war die größte Freude Behaglichkeit bei sich zu Haus. Wir teilen das Leben ein nach Nutzen und Gewinn und haben Tag aus Tag ein nur das, was erfolgreichen sind. Die Oma, der Opa, die dachten nicht so weit und trotzdem beneid ich sie um ihre gute alte Zeit. Alles klar, alles klar, alles bleibt wie's war. Ist doch wahr, so wie's war, war's doch wunderbar. Und man fand noch Zeit und Gelegenheit für die Gemütlichkeit. Alles klar, alles klar, alles bleibt wie's war. Ist doch wahr, so wie's war, war's doch wunderbar. Besser wird's nie mehr als bisher. Fällt uns auch diese Einsicht schwer. Radetzky March, qui est une marche de Johann Strauss, dédiée au maréchal Joseph Radetzky. Ici chanté par le chanteur autrichien Heino. C'est une perle découverte par vos chroniques. Alors, Joseph Radetzky, en quelques secondes, le maréchal von Radetz, un vainqueur des révolutionnaires italiens en 1848, von Radetz était un officier de l'empereur François-Joseph d'Autriche-Hongrie. François-Joseph, que son épouse appelait simplement Franz, l'épouse de François-Joseph n'était autre que la célèbre impératrice Elisabeth de Wittelsbach. Pourquoi j'en vois qu'ils disent non de la tête là. Non, non, non. Si, si, je vous assure. Si, si. Bon, revenons à ce... Oui, Elisabeth. Revenons à ce sentiment monarchiste impérial. Le monarchiste autrichien levait son verre dans les années 30, 1830, en criant « Für Kaiser, Gott und Vaterland » pour l'empereur, Dieu et la patrie. Il était animé d'abord par une foi catholique ardente, puis par une fidélité légitimiste, les deux en même temps, hein. Envers la maison de Habsbourg-Lorraine, cette prestigieuse famille qui donna à la France la reine martyr Marie-Antoinette, épouse de Louis XVI. Nous avons un sentiment patriotique impérial réunissant une mosaïque de royaumes, puisque dans l'Empire d'Autriche-Hongrie, ex-Saint-Empire, on parlait le hongrois, l'italien, le roumain, le yiddish, le romanès et une multitude de dialectes slaves. À première vue, ce sentiment impérial s'oppose au nationalisme tel qu'on le connaît en France. Alors le nationalisme. Alors je pense intéressant d'étudier cette question, non pas avec un prisme actuel, nationaliste ou complotiste, identitaire, dissident, etc., mais en regardant avec les lunettes du passé, parce que là se trouve la définition. Durant ces émissions, je vous parlerai quelques-uns des grands chefs nationalistes du passé, et je le ferai en me basant sur le livre fondamental de Jacques Plancard-Assac, « Doctrine du nationalisme ». Et une fois cette longue étude achevée, j'en reviendrai à parler du royalisme. Sous peine de vous infliger une émission longue de 4 heures, je ferai cela ensuite, hein, lorsque la partie sur le nationalisme sera achevée. Je vais commencer tout de suite donc cette étude-là avec Maurice Barrès. Alors, on connaissait le sens du mot depuis le Second Empire, mais c'est Maurice Barrès qui va donner un sens nouveau au mot de nationalisme dans un article du Figaro du 4 juillet 1892, « La querelle des nationalistes et des cosmopolites ». Il ne s'agissait pourtant ici que d'une querelle littéraire à propos de poésie, mais on en est venu rapidement au problème politique. Hein. « Dis-moi qui tu aimes et je te dirai qui tu es ». Rien ne semblait au départ devoir désigner le Lorrain Maurice Barrès pour être un jour le fondateur de l'école nationaliste, nous dit Jacques Plancard-Assac. Parce qu'il commença par étudier la philosophie d'Auguste Burdeau au lycée de Nancy et devint donc grâce, entre guillemets grâce bien sûr, à Auguste Burdeau, cet homme abstrait, féru de démocratie républicaine. L'impasse est en lui-même, si vous voulez. Vouloir sortir de la matrice républicaine tout en se disant républicain. Déroulède et sa Ligue des Patriotes devenue la Ligue de la Patrie française, et s'y est cassé le nez dessus. Hein. Plus tard, Barrès analysera son parcours et cette analyse le sauvera un peu. Il va découvrir que l'homme abstrait n'existe pas, mais que le Lorrain existe, lui, Maurice Barrès. Ce retour, je dirais maurassien, au réel, on le verra surtout avec le culte patriotique de la terre et des morts, se fait dans trois de ses livres, parus entre 1897 et 1901, que Barrès nomme le roman de l'énergie nationale, les déracinés, l'appel aux soldats et leurs figures. La France de Barrès est un pays qui sort depuis relativement peu de la guerre franco-allemande de 1870-1871. Le pays est à reconstruire. Sa prise de conscience nationaliste commence en 1889 avec l'étude de son livre « Un homme libre ». Barrès s'est vite aperçu qu'on ne, je cite, « on ne soulève pas les masses pour une action durable sans des principes et qu'il n'y a aucune possibilité de restauration de la chose publique sans une doctrine ». Et donc le nationalisme est la nouvelle doctrine qu'il propose, qui est une défense de l'organisme national. Comme on lutte contre l'érosion du sol en plantant des forêts qui coupent le vent dévastateur. Mais la doctrine seule ne suffit pas, il faut sa réalisation. Il a assisté à l'échec du mouvement boulangiste, un mouvement nationaliste tricolore, dont le chef, Boulanger, se suicida sur le tombe de sa maîtresse à Bruxelles, et Barrès va écrire ses lignes assassines, si j'ose dire, puisque Boulanger était déjà mort. « Celui qui fut 33 ans un fonctionnaire, 3 ans un agitateur, puis une année un mélancolique. » Voilà, pour très tiré de Boulanger. De l'échec du boulangisme, Barrès va donc tirer sa grande conclusion, nécessité d'une doctrine qui fonctionne et qui se concrétise. Maurice Barrès va voir éclore cela avec les combats de l'Action française et de Maurras. Mais Barrès n'adhérera jamais à l'intégralisme du nationalisme de Maurras. Il se place juste à côté. Barrès jamais ne combattra pour un prince. Il est républicain, on l'a dit. Son nationalisme, cependant, est bien analysé. Il exprime la même préoccupation que chez Drummond, intéresser l'ouvrier et le paysan à un socialisme non marxiste, seul moyen de s'opposer à l'anarchisme financier de la démocratie libérale capitaliste sans se suicider économiquement et moralement. Dans son livre « Scène et doctrine du nationalisme », il écrit « Je ne crains jamais d'insister sur l'union de l'idée socialiste et de l'idée nationaliste ». Il sera le premier, bien avant Hitler, à parler de national et socialisme. Pour l'instant, il se proclame « socialiste nationaliste » quand, en 1900, il se présente à Nancy comme candidat républicain socialiste nationaliste à la députation. La défense de la nation ne peut être réalisée sans la défense de la classe la plus nombreuse et la plus pauvre qui constitue précisément la base même de la nation. Autrement dit, le nationalisme doit nécessairement être social. Comment Barrès conçoit-il la réalisation de cet aspect social du nationalisme ? Écoutez bien, par la restauration des corporations. Plus tard, Mussolini mettra cela en application, mais Maurras également a été le grand défenseur des corporations. Le maréchal Pétain écoutera et mettra également cela en application. Barrès écrit « Il faut aider à se former tous les organismes naturels, favoriser toutes les affinités. Le travailleur donc ne sera plus ni salarié ni fonctionnaire, il deviendra comme un associé. Le nationalisme n'est ni de gauche ni de droite, mais un peu des deux, selon Barrès, avec une droite financière nationale et une gauche non marxiste, sensibilisé aux problèmes ouvriers. Cependant, Barrès, je le répète, connut la même impasse politique que Boulanger en voulant une république forte et nationaliste. Il n'a pas voulu voir ce que son ami Maurras a vu, que République et France sont incompatibles et qu'il était nécessaire de sortir du système. Il a échoué dans sa révolution nationaliste républicaine. Charles Maurras affirmera avec raison ce que Plancard d'Arsac explique bien, qu'il faut d'abord changer les institutions avant de songer à changer les mœurs, parce que les institutions ont plus de part dans la formation des mœurs que celles-ci dans la formation des institutions. À suivre. Venons-en à un chant nationaliste allemand maintenant, « Wenn alle Untreue werden », qui sera traduit et chanté en français sous le titre « Le chant de fidélité ». Vous allez entendre les deux versions. La version française est enchantée admirablement, comme toujours, par le chœur Montjoie-Saint-Denis avec le son du corps au fond des bois. Restez avec nous, et surtout avec moi, puisque dans une poignée de cartouches, je remettrai l'histoire à l'endroit, je vous parlerai des cathares et de l'Inquisition. Le monde des hommes va s'effondrer. Les chroniques du Krak. Au centre, Grimbold, menez votre compagnie à droite quand vous aurez passé le mur. En avant, ne craignez aucune obscurité. Debout, les lances seront secouées, les boucliers voleront en éclats. Une journée de l'épée, une journée rouge, avant que le soleil ne se lève. Les chroniques du Krak. Thank you. la croix ont imposé dans nos villes le reniement de la loi. Mais pour que toujours sur terre reste un point de ralliement, d'âge en âge sont fidèles les hommes de notre sang. Mais pour que toujours sur terre reste un point de ralliement, d'âge en âge sont fidèles les hommes de notre sang. Fidèles aux voix de l'âme, des bois, du roc et du sang. Fidèles à la vraie flamme, fidèles à leurs enfants. Lorsqu'a chanté la chouette à l'ombre de nos alliés, ils sont partis pour la quête du Graal et du chevalier. Lorsqu'a chanté la chouette à l'ombre de nos alliés, ils sont partis pour la quête du Graal et du chevalier. Les ennemis de la messe ont bafoué la raison, semé le doute, la détresse au cœur de nos maisons. Ils ont traqué les bons pères, voulu souiller nos enfants. Mais le cœur des âmes fières triomphera dans le vent. Ils ont traqué les bons pères, voulu souiller nos enfants. Mais le cœur des âmes fières triomphera dans le vent. Quand les autres trahiront, camarades, soyons fidèles. Défendons la tradition, luttons pour l'Europe nouvelle. Vrais héritiers des nobles francs, fidèles à Dieu et au roi. La lutte pour nos descendants remplit nos esprits de joie. Vrais héritiers des nobles francs, fidèles à Dieu et au roi. La lutte pour nos descendants remplit nos esprits de joie. Wenn alle Buren treu werden, so bleiben wir doch treu. Dass immer noch auf Erden für euch ein Fähnlein frei. Der Erdenbund soll ruhen, ihr Kinder besser sein. Die Kunst zum Männer tun und liebes Tod gemein. Der Erdenbund soll ruhen, ihr Kinder besser sein. Männertugend und Liebestod geweiht. Wollt immer von uns weichen, uns immer nahe sein, treu wie die deutschen Eichen in Mond und Sonnenschein. Ein viertes Niederlande in aller Brüder sehen, sie kehren zu der Quelle in Lieb und Treue hin. Ein Schirmes wieder helle, in aller Brüder Sinn. Sie kehren zu der Quelle in Lieb und Treue hin. Ihr Sterne seid uns Zeugen, die ruhig wieder schauen, wenn alle Brüder schweigen und falschen Götzen trauen. Wir wollen das Wort entdecken, die Proben werden bleiben und predigen und sprechen vom alten deutschen Heim. Wir wollen das Wort entdecken, die Proben werden bleiben und predigen und sprechen vom alten deutschen Heim. Chronik du Krag. Les pharaons expérimentaient l'électricité avant Nikola Tesla. L'Afrique est le berceau historique de la civilisation européenne. Colbert était raciste et esclavagiste. C'est mon opinion. D'ailleurs, les rois étaient des tyrans et les paysans, leurs esclaves, mangeaient des racines. L'homme n'est que l'aboutissement de l'évolution de certaines races, espèces d'animaux préhistoriques. Quant à moi, je suis un aigle, emprisonné dans un corps d'homme. C'est aussi ton opinion ? Tu es un oiseau ? Oui. Je le pense aussi. Parce que je vais t'envoyer par la fenêtre. Les chroniques du crack. Laissant courir les opinions courantes. Le groupe néo-médiévaliste Faon dans les chroniques du crack pour Federklight. Il arrive souvent, parfois, que nous, les droitistes, les royalistes, les nationalistes, nous soyons pris à partie par des gauchistes ou simplement des chrétiens conciliaires avec une simple question. Si vous êtes catholique, vous êtes alors d'accord avec les bûchers cathares et les tortures de l'Inquisition ? Ces gens qui tentent de nous ébranler dans nos certitudes intégralistes sont persuadés que les inquisiteurs du Moyen-Âge ont inspiré les nazis. Voilà le genre de discours qu'on peut entendre chez les gens d'ultra-gauche, anards et trotskistes de nos jours. J'exagère à peine quand on voit que les wokistes et leurs copines LGBT traitent de nazis des paisibles catholiques qui récitent le rosaire dans une église. Et les braves gens conciliaires qui ne disent plus, eux, leur chapelet depuis leur première communion, trouvent que ces énervés de la faucille du marteau ont raison. Alors que croient-ils ? La religion découle de la conscience individuelle, je m'explique. Vous croyez ce que vous voulez. Dieu est dans le rosier du jardin, votre rosier est donc Dieu, vous êtes vous-même un Dieu caché, bref, croyez tout ce que vous voulez. Dans la mesure où vous êtes sincère, et que, en plus, votre nouvelle religion, la cerise sur le gâteau, va à l'encontre de la religion officielle, la religion catholique, vous êtes sympathique. Les cathares croyaient ce qu'ils voulaient, ils étaient sincères, nul n'avait le droit de les empêcher de croire en leur religion. Les cathares sont sympas. Je crois qu'il est nécessaire de cesser de lire l'histoire de l'Église dans les dossiers historiques de Libé. Le catharisme était une plaie religieuse, politique et sociale, on ne pouvait pas les laisser faire, les laisser croire. Si votre enfant est malade, vous n'allez pas laisser Tante Zoé lui administrer de l'arsenic, même si elle est sincère, même si elle est sincèrement persuadée que c'est bon pour lui. Permettez le temps de boire ma tasse de chicorée pour me calmer, je reviens à vous. Standard de la musique country endlessly par le français Marc Tenor. Au XIe siècle, la France et l'Europe étaient sillonnées par les hérésies manichéennes. Tout un mouvement de contestation de l'Église, comme ça. Vous aviez par exemple les Bogomiles. Les Bogomiles venaient de Bulgarie et ils ont inspiré l'hérésie cathare à ses débuts. Le marchand lyonnais Pierre Valdès, qui quitte sa famille pour prêcher la pauvreté évangélique. Alors quand les prêtres lui disent qu'il a tort, qu'il lui recommande de revenir au sacrement, la messe, la confession, il les repousse, il les insulte. Ses disciples, eux aussi des pré-cathares, se font appeler les vaudois. Dans le midi de la France apparaissent ce que les francs vont appeler les cathares, eux se nommaient les purs. Cathares vient du grec kataros qui signifie pur. Alors que les vrais chrétiens croient en un Dieu créateur et tout-puissant, auxquels s'opposent les démons qui ne sont que de simples créatures angéliques, les cathares, eux, pensent tout le contraire. Il existe pour eux deux principes surnaturels qui s'opposent. C'est la théorie du manichéisme, le bon qui a créé le monde des esprits et le mauvais qui a créé la matière, par exemple le corps. Ainsi, ce n'est pas le Dieu bon qui a créé l'univers, c'est le diable. Sur notre terre, tout vient du diable. Les parfaits recommandent le suicide pour retrouver rapidement le monde spirituel, je vous laisse imaginer. Par la mort, le cathare se dépouille de son enveloppe maudite pour rejoindre le monde des esprits. Vous voyez là, la très grave erreur. Les doctrinaires cathares, ceux qui s'auto-appelaient parfaits, s'adressant à des chrétiens, donc enseignaient que Jésus, pur esprit aux apparences humaines, était un ange. Ainsi, il n'a pas connu la mort sur la croix, et sa mère Marie est également un pur esprit. La rédemption est niée, c'est la négation de la bonne nouvelle du christianisme, c'est abominable. Alors Alors la secte cathare se divisait en deux. Vous aviez le monde des simples croyants qui pouvaient conserver leurs habitudes de vie, mais à qui il est conseillé de divorcer parce que le mariage engendre des enfants et donc vient du dieu mauvais. Et vous aviez la communauté sacerdotale des parfaits. Les parfaits ne se marient évidemment pas, ils suivent la plus parfaite continence. À table, ils refusent toute consommation de produits d'origine animale, viande, poisson, lait, fromage, œufs. Ils ont un sacrement de régénération, si on peut parler ainsi, de régénérescence, le consolamentum, par l'imposition des mains, qui fait du simple croyant un parfait. Et celui qui l'a reçu doit donc rester célibataire ou se séparer de sa femme. Les parfaits sont tous d'accord pour condamner le mariage, mais certains ne condamnent pas les relations charnelles et prônent la liberté sexuelle. Bref, le catharisme recommande le suicide, le divorce, le vagabondage sexuel. La société chrétienne d'alors court le risque de se disloquer. En plus de cela, comme les cathares repoussent l'Église, ciment unificateur de la société médiévale, des valeurs essentielles sont rejetées. Outre l'Église, la famille, la propriété, le serment ou l'hommage féodal. Alors, l'Église va commencer à être lente à réagir et le catharisme va en profiter pour se développer. Dans le comté de Toulouse, mais également à Carcassonne et à Albi, les parfaits sont à la tête de véritables diocèses, protégés ou tolérés par les comtes de Toulouse. En 1167, un évêque hérétique venu de Constantinople dirige un concile cathare à Saint-Félix de Lauragais. En 1205, la comtesse de Foix quitte son époux pour se faire parfaite. Dans le comté de Mirepoix, 35 vassaux du comte de Foix se convertissent au catharisme. La corporation des tisserands du Languedoc se dit cathare. En de Grâce, 1209, 10% de la population de Béziers se fait cathare. La Sainte Église, aidée de la chevalerie des barons du Nord, va finir par réagir et c'est ce que nous verrons la prochaine fois. Nous verrons également ce qu'a été le procès des nobles chevaliers du Temple. C'est la fin de cette émission, je vous laisse en compagnie du barde Skaldic, il est abominablement barbu, les cheveux démesurément longs, il est couvert de peau de bête, il est assis près du feu avec deux énormes pumas à ses pieds, sa main tient une grande hache de guerre à deux tranchants qu'on appelle un labris. Mais il est fort courtois, vous pouvez lui laisser vos enfants à garder, parce que le barde Skaldic chante la gloire de nos héros chrétiens, on n'a pas affaire à un de ces multiples chanteurs tatoués et surmusculeux qui célèbrent le paganisme viking. Non, ce n'est pas le genre de Skaldic, ni le mien d'ailleurs. Skaldic qui est régulièrement invité dans ses chroniques. Il est spécialisé dans les langues européennes disparues, comme le vieux prussien, le cornique, le picte, etc. Le voici chantant l'épopée du Cid Campeador en vieil espagnol. Si Dieu continue à me prêter vie, les chroniques du Krach numéro 13, ce sera le samedi 7 mars de l'an nouveau 2026. C'était Hector de Maris, chevalier de Notre-Dame. Que Dieu vous accorde la santé du corps et de l'âme, les plus grandes joies dans votre vie que je vous souhaite longue et bonne et sainte, et le saint paradis à la fin de vos jours. Tout de suite donc le barde Skaldic qui chante le Cid Campeador en vieil espagnol. Ensuite, vous entendrez le ténor Roberto Alagna dans une superbe interprétation de l'Ave Maria de Schubert, mais en latin. Comme on dit chez moi en Gascogne pour se saluer en partant, Adichats, soit Adiosiats, qui signifie soyez à Dieu, toujours. Las espadas con la merced. del Creador. Nuestra será la ganancia, queridos niños caballeros, por amor de caridad. Las mesmadas iban a herir de fuertes corazones tan así. Grandes golpes, mas los moros no pueden falsar el criador. Oshualazi, campeador leal de Castilla, no renunciará a su honor por cuanto hay en toda España. De Borriana todos conquistas pasan. Ayudóle el criador, el señor que es sin cielo. Dentro en Valencia no me es poco el miedo. Abre el niño la ciudad, de sobre ellas va a echar. sur la route claire et belle. Saint-Georges guide nous, va nous faire des belles à nous. Qui aurait la parole, la part de faire la parole. Des Reis Bildes erfetzt, nun Christiens und des Majest, les muss dir scharfe Besertes, des Mies meis Sakrifiets, si vales Gels vus purpensets, vus quidar ves estes prises. La la la la, trimate l'odio, y vone d'ave agi, trimate l'odio, la la la. Oh. sing this house so fair. Oh, bless this heavenly hour so fair. Bless this house so fair. Chronique du crâne, frère Hector de Maris.